And with that in mind, let's continue the scene in reception, beginning with a new language for this next part. As before, écoutez, comprenez, écoutez encore et répétez. Vous commencez? Oui, je commence. And we start with another example of the word en being used to denote location. En France. In France. En France. Votre prénom. Your first name. Votre prénom. Nous avons. We have. Nous avons. Voilà. There, or that's it. Voilà. Seulement. Only. Seulement.